Keely Watch. Keely Watch. Keely Watch. Keely, Keely, Keely, Keely Watch, Watch, Watch, Watch. Keyam, Keyam, Keyaba. Depuis deux jours, je ne fais que répéter ce petit air qui commence à m'énerver. Oui, Keely, Keely, Keely, Keely Watch, Watch, Watch, Watch. Keyam, Keyam, Keyaba. C'est contagieux, car au lieu de dire bonjour en me croisant, mes voisins chantent à leur tour. Watch. Keely Watch. Keely Watch. Watch.